Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Et cette semaine, ben, on plonge dans l'univers de deux auteurs émergents qu'on aime à découvrir. En fait, le premier, ben, qu'on rencontre à chaque tome parce que c'est une série qu'on aime bien ici à l'émission. Alors, Le Bouddha brisé, troisième tome qui nous arrive. Un peu in extremis d'ailleurs, on aura l'occasion de parler du chemin qui a mené vers ce tome-là. Également de voir l'évolution et les éléments distinctifs, si on peut dire, du tome 3. Donc, qui nous entraîne dans l'univers d'Alex, qui habite à Québec et qui vit tranquillement la dissociation. Un album aux tonalités, un vrai manga également dans le style. Bref, une discussion qu'on aura envie de faire dans quelques instants avec son auteur SB. Également, en deuxième partie d'émission, on va aller plutôt dans un style rétro, un peu un hommage dans l'esprit, en fait, à des albums pulp des années 50, et un récit également qui s'intéresse et réfléchit à différentes questions liées à l'anxiété, mais vraiment plus dans le cadre d'une réflexion à travers un récit d'action, un récit d'aventure également. Donc, ça s'appelle La Rose du Ciel, c'est de J.P. Perrault. Premier album de son côté, on l'avait déjà reçu jadis, d'ailleurs, autour de certaines de ses auto-publications, et ben, ce sera un plaisir de le retrouver également aujourd'hui avec justement ce premier album édité, officiel et complet. Alors, ben, ce sera en deuxième moitié d'émission. Et en troisième partie, on va mettre la table, comme on le fait une fois par mois, avec Michel Giguère autour des rendez-vous de la BD. Mercredi prochain, une rencontre autour des Insoumises, donc des récits engagés et réflectifs qui nous amènent à saisir la situation géopolitique d'une partie du monde. Alors, plus de détails en troisième partie d'émission. Alors, c'est le menu pour cette semaine, ici à La Vie en BD. Officiellement, bon vendredi à tous et toutes. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Et Raymond Poirier, ben, au micro avec vous jusqu'à 18h30. Tel que mentionné, on se lance ex officio, donc vers un premier titre pour cette semaine. C'est un peu une tradition, j'ai l'impression, donc de recevoir SB pour jaser à chaque tome du Bouddha brisé. Donc, troisième chapitre qui va arriver, en fait, en fin de semaine, lancé à l'occasion du Comic-Con de Québec, qui débute d'ailleurs demain, et qu'on pourra retrouver par la suite dans différents contextes et différentes librairies également de la capitale. Alors, ben, SB, bonjour. Bien le bonjour, merci. Alors, j'ouvre le bon micro et on va reprendre. Alors, essayons, vas-y. Bien le bonjour. Non, ça marche pas. Troisième. Non. Est-ce que ça marche? Non. Réessaye. Est-ce que ça fonctionne? Merveilleux. Génial. Merci d'ailleurs de me recevoir pour une troisième fois. Mais ça me fait plaisir, évidemment. Il faut dire qu'on aime bien, en fait, je l'ai dit d'entrée de jeu, je te le dis aussi, j'aime bien ce que tu fais. Alors, c'est toujours un plaisir aussi de pouvoir échanger un peu autour de tout ça. Et j'ai l'impression, SB, ça a pas dû être très facile d'en arriver à ce tome 3-là. On a vu, en fait, ton éditeur, Berber 1313, qui a fait faillite il y a quelques temps, t'as racheté les droits de ton album et t'as choisi de poursuivre la série par la voie de l'auto-édition. Il faut dire qu'on parlait au départ de 10, 14, 15, de beaucoup de tomes, dans le fond, quelque chose d'assez ambitieux. Ouais. Et par le biais du financement, j'ai l'impression que c'est un peu, dans le fond, les gens qui suivent la série, un peu comme moi, qui se sont dit, ben, on a envie que ça continue, on a envie de savoir la suite. J'imagine que d'en arriver là, après un parcours assez difficile, ça doit être une géniale tape dans le dos, là. C'était un cadeau, c'est une bénédiction, c'est il y a pas de mots pour l'exprimer. Honnêtement, là, c'était inattendu. Je voulais quand même que ça se produise, mais la réponse des gens, là, pour que la campagne de sociofinancement ait atteint le 136%, pour moi, c'était... J'en avais les bras qui me tombaient. Là. C'était... J'en ai presque pleuré là, une fois que j'ai vu ça, parce qu'en une journée, ça a passé de 66 ou 70%, puis ça a été jusqu'à 120 ou 126, là, quelque chose comme ça. Donc, c'était... Étonnant, là, c'est un euphémisme. Mais en fait, c'est ce qu'on se disait. Dans le fond, au bout du compte, on a envie de savoir la suite et il faut te donner les moyens de nous permettre de nous amener dans la suite de ce voyage-là. Puis c'est pour ça que je remercie chacune des personnes en ce moment là, qui a donné là, pour la campagne de sociofinancement, parce que sinon, le chapitre 3 ne serait pas entre les mains de qui que ce soit. Je chercherais sans doute une autre possibilité, mais c'est vraiment les fans qui ont décidé qu'ils voulaient voir ça. Oui, c'est sûr, il y a l'auteur qui veut que ça sorte là, le plus possible, mais les fans, ils ont leur mot à dire là-dedans, puis d'après ce que je peux voir, il y a de l'amour pour la BD. Oui, ben en fait, puis c'est après deux tomes, dans le fond, on voit que tranquillement, la série est établie, qu'il y a une base de gens qui suivent ça, et j'imagine que ça change aussi un peu la donne. J'extrapole un peu SB, là, mais je me dis au premier tome, deuxième tome, on lance un peu la machine, on essaie, on livre la chose, et d'en arriver au tome 3, de voir que les gens l'attendent, et de voir dans le fond qu'il y a un public qui te suit activement, qui t'attend, est-ce que ça change un peu la pression, est-ce que ça change un peu la manière d'aborder la création aussi? C'est difficile la réponse, c'est une bonne question, parce que quand je créais le chapitre 3, j'étais encore avec Berber, donc j'ignorais vraiment qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi de m'auto-éditer. Mais une fois que c'était clair que j'allais faire la campagne de sociofinancement, puis une fois que le financement a été approuvé, qu'on a tout reçu, j'ai réalisé qu'il y avait une énorme pression en fait. J'ai une pression qui est généralement imposée par moi-même parce que je voulais livrer une marchandise de qualité. Il n'était pas question pour moi que je compromette sur le fait de livrer une BD qui est de moindre qualité physique que ce que mes éditeurs avaient fait. Je voulais vraiment continuer dans la même lancée. Puis ça a été une aventure. Et il faut dire, en fait, on en avait parlé d'ailleurs dans les premiers tomes, tu avais fait le choix avec tes éditeurs à l'époque de l'accessibilité, donc d'avoir un tome oui. en couverture souple, d'avoir noir et blanc, donc d'avoir quelque chose, en sachant peut-être un peu justement qu'on s'en va sur beaucoup de tomes, on veut que les gens nous suivent, donc faut se donner aussi les moyens de dire au monde, ben acheter une fois par année et demie, la série, suivez-la, donc de faire des choix entre guillemets économiques. Et donc, ça permet, j'imagine, de prendre un peu ça sur soi et de se dire, ben OK, j'ai bien fait de choisir ça parce que je peux continuer l'aventure avec moins de pression sans justement enlever la qualité et en gardant aussi et en augmentant mon niveau et ma qualité de dessin. Exactement. Puis, pour en revenir au choix de la copie physique, que ce soit en couverture souple et en noir et blanc, ça revient à une décision qui n'a pas été faite totalement consciemment, mais il y avait quelque chose en arrière dans ma tête qui me disait « Choisis ça de même. » Parce que je regardais, je me disais toujours, en allant moi-même dans la bande dessinée, dans les librairies, en choisissant ce que je veux, je me disais toujours « Ah, ça coûte cher, j'aimerais ça m'acheter cette BD-là, mais j'ai pas les moyens. » Puis je me disais « Je dois vraiment pas être le seul à penser ça. » Fait que je me suis dit « Les lecteurs, là, quand ils s'en vont dans des conventions puis qu'ils payent 35-40$ pour un billet, ils ont presque plus d'argent après. Mais la plupart du temps, si je suis pour être dans une convention puis vendre ma BD, je veux pas rester avec. Là, je veux que les gens puissent la découvrir. Mais c'est l'objectif. En fait. C'est ça, exactement. Fait que je me voyais mal la faire en couleur parce que, premièrement, j'ai pas encore assez d'expérience, disons-le. Puis deuxièmement, je me voyais mal dire, OK, je vais la mettre en couleur, je vais la faire en couverture rigide puis ça va être 35$. Même moi, je mettrais pas d'argent là-dessus. Fait que qui d'autre le ferait? Et dans ce contexte-là, bien évidemment, on invite les gens à suivre l'aventure dès le premier tome. J'ai l'impression, si on regarde d'ailleurs l'évolution des trois tomes, on arrive au troisième, un point de bascule. En fait, les trois premiers tomes, c'est un crescendo. Le premier, un peu, on établit l'univers. Le deuxième, on augmente un peu la pression. Le troisième, on continue d'augmenter la pression, mais jusqu'à temps que le couvercle explose. Là. Exactement. Les trois premiers chapitres sont littéralement une introduction. Je voulais vraiment qu'on prenne la bande dessinée du point de vue d'Alex, qu'on sache c'est qui ce gars-là, puis qu'on comprenne comment est-ce qu'il ressent les choses, comment est-ce qu'il interagit avec les gens. Et ça vient d'une expérience un peu plate de vivre, c'est-à-dire l'anxiété, des troubles mentaux de ce genre-là qui m'ont affecté dans le passé et qui ont fait en sorte que ça l'a nourri en grande partie les ingrédients principaux pour la dissociation, pour le Bouddha brisé. Donc, c'était pour moi important que les gens sachent que Alex, du chapitre 1 à 3, il est comme ça. Une fois qu'on a établi le personnage dans les trois premiers, qu'on a établi un peu le monde dans lequel il vit, là, on peut expansionner à partir de là. Et justement, en fait, ça devient important que le crescendo reste crédible parce que, bon, il y a des éléments qui viennent un peu dans la science-fiction, justement, qui sont amenés au fil des albums, surtout au troisième, mais que, justement, le point de bascule soit quelque chose qui pourrait nous arriver, en fait, parce qu'on est beaucoup, et d'ailleurs, tu parlais d'anxiété, mais c'est essentiellement ce qui en vient à faire exploser Alex, l'anxiété de pas avoir l'impression d'avoir assez avancé au fil de 5 ans, d'être resté à un point statique alors que le monde évolue autour de lui, l'impression de pas être capable de créer. Je l'entends, je l'entendais dire tantôt, te puiser un peu dans ta propre expérience, dans tes frustrations, dans ton angoisse à toi. Tous les refoulements. La plupart des... Ben, d'ailleurs, le Bouddha brisé, je me le cacherai jamais. C'est relativement très autobiographique. Je crois qu'on en avait déjà parlé lors du premier tome ou du second. Mais c'est ça. C'est vraiment une bande dessinée qui est... C'est le miroir de mon existence. J'ai extrapolé, j'ai exagéré, j'ai sublimé. Cependant, la base reste la même. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a causé un événement qui a nourri l'existence du Bouddha brisé. Puis, avec un peu de chance, ça va toucher d'autres gens qui vont se reconnaître là-dedans puis qui vont se dire « Oh my God, je me sens de même. Il faut que je fasse de quoi? » Oui, parce que justement, lui, il fait tellement rien qu'à un moment donné, on arrive à des circonstances absolument extrêmes. Ça va être d'autant plus difficile d'en redescendre, on imagine, parce que là, on a monté. Mais en même temps, je me dis, ben, ça peut encore monter là, un peu plus. Là, le quatrième tome risque d'être assez intense. il risque d'être assez intense. Puis si je puis me permettre, d'ailleurs, je suis déjà en train de l'écrire depuis un certain temps. Mais oh my God, c'est un défi, celui-là. Là. Je m'en tirerai pas. Là, ça va être le premier qui se fait entièrement seul, mais qui en même temps va être, sincèrement, je dois être rendu à la 13e réécriture. Oui, parce que ça amène une question, justement. On parlait du crescendo, par exemple, qu'on installe, du rythme de l'album, au bout du compte. Mm-hmm. Faut le doser, faut trouver la bonne vitesse, le bon rythme, les bons éléments et les bonnes manières de présenter l'état psychologique du personnage. Donc, tu as un côté perfectionniste, 13 réécritures, t'en as eu pas mal aussi pour les autres. Oui. À quel moment t'en arrives à un point où tu dis, ben ok, là c'est correct, ou regarde, là c'est assez, je dessine, je passe à l'autre étape là? C'est même un processus qui se fait à l'écriture, mais qui se refait également lorsque je dessine, lorsque j'ancre, lorsque je réécris les dialogues pour les insérer au montage final. Ça se réécrit continuellement. Il y a jusqu'à ce que ce soit arrivé dans mes mains en copie physique, ça se retravaille tout le temps. Je re-questionne toujours chaque phrase. Pourquoi est-ce que le personnage dit ça? Est-ce qu'il pourrait pas le dire d'une autre manière? C'est vraiment la chirurgie artistique. Et moi, j'ai pas l'intention de livrer une bande dessinée à moitié bien faite. Je veux vraiment que le lecteur voit qu'il y a une différence, qu'il y a une amélioration à chaque chapitre. Et honnêtement, je peux le dire que le chapitre 3, en ce moment, c'est le chapitre dont je suis le plus fier. J'ai eu du fun à le dessiner, j'ai eu du fun à l'écrire, j'ai eu du fun à le corriger. Ça a été important pour moi, c'était primordial. Si je n'avais aucun plaisir à le faire, je n'y touchais même pas. Et ce plaisir-là, en fait, j'aime bien la porte que tu ouvres, parce que je lisais la fin de l'album, en fait, le moment où tout explose. Oui. Et dans le fond, bon, il y a beaucoup de séquences, en fait, des fluides, des cris, des éléments de la violence un peu là-dedans. À la limite, tes cases commencent à être un peu aussi dissonantes, distendues, sur le côté. Bref, on joue un peu avec l'architecture. Je me disais, en fait, je lisais ça et je me disais, mon Dieu, SB a dû avoir du fun à dessiner cette partie-là. Ça a dû être un exutoire, là, presque. C'est littéralement la série, c'est un exutoire, parce que justement, vu que c'est une BD qui est très autobiographique, c'est important pour moi que j'aie du fun, parce que à quoi ça servirait de le faire si on n'a pas de fun? Communiquer un message, ça implique d'avoir un certain plaisir à le faire, sinon ça devient une entreprise un peu futile. Donc pour moi, c'est important que je communique mon plaisir à le faire, parce que maintenant que jusqu'à un certain point je suis passé à autre chose dans la vie, ben il y a toujours des relents d'anxiété, toujours des relents d'autres choses, mais c'est important pour moi de dire que, ayant passé à autre chose jusqu'à un certain point, là je peux avoir du plaisir, là je peux dire aux gens, regardez comment c'est le fun de vraiment là, se lâcher lousse dans une page. Puis c'est pour ça que j'ai pris les trois premiers chapitres pour raconter, du point de vue d'Alex, c'est quoi l'anxiété, c'est quoi la dissociation, comment est-ce que ça se vit, pourquoi est-ce que ça le ralentit, à quel point l'inertie est mortelle pour lui. Et je parlais de l'architecture un peu des dernières pages, justement, au niveau storyboard design. Comment justement tu penses un peu ces pages-là? C'est visiblement, en fait, il y a la volonté d'intégrer tranquillement le chaos dans cet album-là. J'imagine que ça se fait progressivement aussi, jusqu'à temps qu'on le ressente et qu'on le perçoive bien. J'aurais jamais pu mieux dire, honnêtement, parce que c'est exactement ça. Je voulais totalement montrer que Alex, il est en train de l'échapper. Non seulement ça, mais son environnement se retourne contre lui, et à ce moment-là, il se sent persécuté de partout. C'est littéralement un peu comme une vieille pièce de théâtre à la Shakespeare, où tout commence à débouler vers la fin, tout le monde commence à mourir, sauf que là, bon, c'est pas la même chose, heureusement, mais tout commence à vraiment pointer vers une finale qui va exploser, puis Alex, là-dedans, la narration nous aide à comprendre qu'est-ce qu'il vit, jusqu'à ce que tout finisse tout bonnement par éclater de tout bord, tout côté, puis qu'il soit plus capable. Mm-hmm. Parce qu'on l'a jamais vraiment vu. On l'a déjà vu trembloter. Mais là, on va littéralement le voir exploser. Qu'est-ce que ça va donner? Et dans les chapitres à venir, justement, ça va être important de continuer ce point de vue-là pour montrer comment est-ce qu'il va essayer de continuer pour s'en sortir. Et dans ce contexte-là, il y a les autres personnages qui sont autour de lui, évidemment. Mm-hmm. Il y a deux éléments que j'ai trouvé intéressants d'un point de vue personnage que tu amènes. En fait, peut-être dans un premier temps, l'intérêt féminin de l'album, et je trouvais intéressant au niveau de la manière dont tu abordais graphiquement ce personnage-là, donc pour le rendre peut-être un peu différent, peut-être un peu plus sulfureux aussi, donc séductrice, séduisante et le reste. J'ai l'impression que tu l'abordes visuellement de manière différente des autres personnages. Absolument. On parle bel et bien d'Ophélie, je présume. Exact. Exactement. Ophélie, je voulais vraiment montrer qu'elle, c'est sûr que la bande dessinée est en noir et blanc, mais c'était ma manière de montrer qu'Ophélie, elle, c'est une fille en couleur, elle est haute en couleur. C'est une fille qui adore la vie, qui, forcément, elle a vécu des choses, elle aussi, tout le monde en vit. Mais elle, elle a passé par-dessus, est capable de vraiment... comment je dirais, est capable de littéralement se lâcher lousse, elle n'a pas de problème avec ça, elle n'a pas de complexe. Puis, elle est la couleur, là où Alex, c'est le noir, le blanc, le gris. Et donc, par le style graphique, les éléments, on amène un peu ces indices-là, puis on amène un peu l'indice que c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres aussi, j'imagine. Ophélie, ça? Oui, Ophélie, oui, toujours. Justement. Ah oui, Ophélie, elle, c'est vraiment quelqu'un hors norme. Au même point que je dirais que Maxime, elle, c'est quelqu'un hors norme également. Et pour trouver ces personnages-là, les éléments, est-ce que... parce qu'il y en a là-dedans qui sont récurrents, il y en a d'autres introduits au tome 2, il y en a qui introduits aussi au tome 3, dont on ne dévoilera pas. J'imagine qu'il y a un travail de recherche aussi pour justement trouver les bonnes formes, le bon angle, parce que si c'est... en fait, c'est ces angles-là, c'est le regard, c'est les yeux, c'est l'organisation du trait, comme tu n'as pas la couleur, qui deviennent ta manière soit de les cadrer au niveau de la personnalité ou de les faire ressortir différemment. Exactement. Puis merci d'ailleurs de l'avoir remarqué, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi de signifier dans la bande dessinée pour que le lecteur se sente un peu plus investi de ce point de vue-là. C'était important pour moi de l'écrire correctement. Il a fallu d'ailleurs que je fasse énormément de retravail, justement, comme on en parlait plus tôt, une fois l'écriture terminée. J'avais beaucoup d'angles qui ne me satisfaisaient pas, puis je pense que ça a été à date la bande dessinée qu'il a fallu que je retravaille le plus souvent, parce qu'il y a eu au moins 6 à 10 planches qui ont changé là, bout pour bout. Il y a des planches qui ont été coupées au montage. Mon éditeur dans le temps, Jean-Philippe et Damien, mes éditeurs, m'avaient fortement suggéré, d'ailleurs leurs conseils ont été en or pour ça. Ils ont toujours été vraiment excellents et jusqu'à la fin. Et une couple de ces planches-là qui m'ont suggéré de retirer, quand je lis le produit final, je regarde ça puis je me dis, ça ne pouvait pas être autrement. C'est encore mieux comme ça. Oui, parce que peut-être comparativement aux deux premiers tomes, je parlais de crescendo tantôt, j'ai l'impression que même la temporalité de celui-là est réduite. En fait, l'action, c'est à peu près une journée et demie. Ça va vite, ça déboule. Et à un moment donné, ça se met... Justement, je reviens un peu à ce qu'on disait tantôt, quand ça se met à débouler, ça déboule encore plus. Mais il faut le sentir aussi, il faut trouver une manière de raccourcir un peu les ellipses, si on peut dire. C'est ça. Puis justement, c'est une manière de vraiment rentrer encore plus dans la tête d'Alex. Parce que si on n'est pas capable de bien communiquer ce sentiment d'urgence, cette détresse psychologique-là qu'Alex vit, c'est quelque chose qui est d'ailleurs primordial. C'est l'ingrédient de ce chapitre-là. C'est le feu aux poudres, littéralement. Donc, il fallait, par tous les moyens, que je réussisse à communiquer ça au lecteur. Et j'aime bien en fait l'idée du feu aux poudres, parce que le deuxième élément sur lequel je voulais t'amener, c'est un peu le moment où le livre s'arrête, un peu d'une certaine façon. Il y a une pause, il y a une parenthèse, il regarde une vidéo YouTube, et j'avais l'impression un peu que c'est un peu la porte de sortie qu'il aurait pu prendre. Donc l'idée que si tu veux réussir à maner, tu persévères, puis tu travailles, voilà. Puis c'est comme ça que tu vas avancer. Voilà. Donc c'est un peu cet esprit-là, dans le fond. C'est ça, puis Alex, on voit en même temps, pourquoi est-ce qu'il fait ce choix-là en ce moment, c'est qu'il est tellement dans l'inertie, que lui, il ne voit pas ce conseil-là comme étant un conseil, il le voit comme étant une tape sur le dos pour l'abaisser. Lui, il n'est pas capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Là. Lui, ce qu'il voit, c'est une artiste qui lui dit « t'es rien, t'es pas capable de faire ça ». Alors que le conseil pourrait être davantage interprété comme étant « voici ce que tu peux faire, puis là, tu vas devenir vraiment plus capable de créer, plus capable d'habiter ta vie, puis de prendre le contrôle de ça. C'est un peu le conseil que toi, tu as choisi de suivre, finalement. Et voilà. Et voilà. C'était d'ailleurs un de mes lecteurs me l'a confirmé. D'ailleurs, il me disait que c'était important pour moi de suivre ça, puis j'ai totalement l'intention de le faire. Oui, puis en même temps, c'est après ça justement que le point de bascule se fait, la porte de sortie est fermée, et c'est peut-être là que ça devient un peu moins autobiographique, justement. Il y a une partie qui est un peu moins autobiographique, là, ça c'est vrai, oui, je suis obligé de l'admettre, mais encore là, quelle partie qui ne l'est pas? Ah, exact. Ça, c'est le mystère. On met toujours du sien dans tout ça. Au niveau, justement, bon, on parle des décors, on parle des lieux, donc tu restes ça basé à Québec aussi, donc toujours dans La dimension quotidienne reste importante dans ton récit, dans les lieux. Important, dans le fond, de raccrocher ça, justement, à un environnement bâti, à un environnement réel? Ou... Oui, parce que ce qui se passe là-dedans, la dissociation, c'est un phénomène qui est physiquement et mentalement impossible, du moins de ce que je sais, de ce que la science sait en ce moment. Mais c'est important pour moi de l'ancrer dans la vraie vie, dans les vrais décors, parce que les gens peuvent avoir un point d'ancrage et se dire « je connais ça, cet endroit-là » ou « j'ai déjà entendu parler de cet endroit-là » ou « ça n'existe pas, mais je reconnais l'architecture, je suis déjà passé là ». Puis émotionnellement, ça va les aider à accepter ce que le personnage principal va vivre, même si dans le point dans lequel il se trouve au moment du chapitre 1, c'est déjà quelque chose que à peu près tout le monde peut avoir déjà vécu. Donc, c'est un point d'accroche qui va aider énormément. Puis d'une autre manière, je voulais montrer les angles de la ville que j'adore parce que je suis né ici, j'ai vécu ici, puis j'aime l'architecture, j'aime les gens, j'aime tout ce qui se trouve à Québec, Limoilou, Saint-Vallier, tout ça. Il y a un mix hétéroclite que je voulais littéralement reprendre. C'est pour cette raison-là qu'en général, ça va se passer majoritairement à Québec. Puis en même temps, comme tu dis, ça devient important d'avoir un peu cet élément-là très, très groundé. Oui. Parce que justement, l'élément de la dissociation est un peu plus surprenant. Disons-le comme ça, surtout de la façon dont elle s'exprime, parce qu'on en entend parler depuis le troisième tour, mais je veux pas trop qu'on en parle, mais t'as réussi à me surprendre. Je pensais pas que c'est ça qui allait arriver, et je me disais, OK, on s'en va vers ça, c'est imprévu, et j'avais presque envie de dire qu'à la limite, au terme de ces trois tomes-là, tu réinventes les règles. Je t'en parlais un peu avant d'entrer en onde. Tu dis, c'est où est-ce que j'ai mis les règles? Mais c'est les règles, justement, que j'avais anticipées. Et là, tu changes un peu ma perception du truc. Et là, je me dis, bon, OK, il faudrait peut-être que je retourne lire les livres, voir s'il y avait des éléments qui allaient m'amener vers ce point-là aussi que j'ai manqué ou que j'ai moins, auquel j'ai pas donné l'importance qu'il méritait, là. Sérieusement, c'est un des meilleurs compliments qu'on pouvait me faire parce que j'ai justement, moi, quand j'écris ça, quand je le dessine, J'ai l'œil, j'ai le visage collé sur l'arbre, je peux pas voir la forêt. Donc moi, pour moi, c'est un dénouement logique. Cependant, ça fait du bien d'entendre un lecteur qui me le dit, qui dit qu'il a pas vu ça venir, parce que pour moi, ça a été comme ça. Depuis le chapitre 1, c'est exactement comme ça que ça allait se produire. Il y avait juste quelques éléments qui ont été rajoutés au fil des écritures et des réécritures, mais majoritairement, c'était ça depuis le début. Oui, puis en fait, je l'ai pas vu venir, mais le fait que je l'ai pas vu venir fait pas que c'est pas logique dans la manière dont t'amènes les choses. Et ça, c'est important. Puis ça ramène un peu justement au groundage. Donc l'univers est clair, on y croit. Et à un moment donné, on en est rendu à un point où on va accepter ce que tu proposes parce que tout le reste est réaliste. C'est ça. Puis la réalité organique doit primer, selon moi, surtout parce qu'il y a beaucoup de mangas que j'ai lus avant de faire cette bande dessinée-là, puis de choisir ce style-là, ainsi que la narration et tout. Puis je voyais beaucoup des bandes dessinées qui avaient des fois une approche un peu plus scientifique. Ils allaient justement faire de la recherche pour ça. Ils allaient pas nécessairement tout expliquer dès le chapitre 1, mais ils allaient s'assurer qu'il y ait une réalité dans laquelle le lecteur va plonger, qui un jour va avoir une certaine explication, que ce soit au compte-goutte ou tout livré à une seule fois, mais il va avoir une crédibilité en arrière de ça qui va donner la réalité organique dont on parle. Puis qui va être backé justement par le fait que toi, tu le savais déjà où tu voulais en venir. Voilà. Et j'imagine que là, comme on s'est dit au premier tome, ben, toi, tu le sais qu'est-ce qui arrive au 13e dans les grandes lignes, en te laissant quand même de la souplesse pour adapter. Oui, puis il y a une raison pour laquelle le chapitre 4 est rendu dans sa 13e réécriture, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé jusqu'à il y a à peu près 4 jours, quand j'ai littéralement commencé à le réécrire. Et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est encore meilleur comme ça. Et j'aurais envie de dire, peut-être en terminant, SB, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ton livre, mais peut-être aussi dans ta maîtrise du médium, parce que des choses qui étaient plus complexes à faire, à rendre au premier tome, à un moment donné, après en avoir dessiné des pages, Il y a une maîtrise aussi qui vient, même ton dessin évolue d'un tome à l'autre. Là. Vraiment. Il y a d'ailleurs une lectrice qui m'a fait part de ça. Elle disait que la différence entre le chapitre 1 et le chapitre 3 est énorme. Et au départ, j'étais pas conscient de ça, mais en refeuilletant, j'ai vraiment compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. Et vraiment, narrativement et visuellement, je veux pas me lancer des fleurs. C'est juste qu'il y a vraiment une évolution que je n'avais pas vraiment conscience de, mais ça ajoute au fait que je suis encore plus fier de ce chapitre-là. Parce que justement, il y a quelque chose que je pouvais pas faire dans le chapitre 1 que j'ai pu faire dans le chapitre 3, justement, la dissociation. C'est quelque chose que j'aurais jamais été capable de faire dans le premier. Oui, puis en fait, je reviens un peu à l'idée des cases, mais d'aller jusque-là pour insérer un peu l'esprit de chaos, de jouer avec les trucs, je trouvais que c'était intéressant parce que c'était quand même assez cadré en dehors de certaines séquences, plus combat un peu de type manga, où on joue un peu avec les éléments, mais c'est des codes établis, puis oups, okay, on commence à basculer les cases, il se passe un peu quelque chose, on sent qu'on s'en va ailleurs un peu là-dedans. Effectivement, puis j'invite les gens, d'ailleurs au lancement du chapitre 3 qui va se faire au Comic-Con dès demain et dimanche le 21, il va y avoir beaucoup de fun et on va pouvoir parler de tous ces détails-là et même davantage si vous voulez. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Et s'il y a des gens qui nous écoutent SB qui disent ben, « je suis pas à Québec en fin de semaine », est-ce qu'il y a d'autres moyens de mettre la main sur le tome 1, 2, 3? Probablement, oui. Pour l'instant, j'ai juste une page Facebook qui est sur SBR sur Facebook. À part de ça, là, je suis en train de commencer à travailler sur un site web, justement, où ça va être plus facile de me rejoindre pour pouvoir se les procurer. Sinon, autrement, éventuellement, il va peut-être avoir des PDF qui vont être... téléchargeable. Ça, c'est dans l'avenir proche. Donc, est-ce qu'on le trouve dans certaines librairies? Oui, absolument. Oui. À Québec, il y en a. À Montréal, il n'y en a pas encore, vraiment. Là, c'est vraiment les petits circuits là, comme Librairie Pantoute là, qui sont dans mes libraires favoris. Là, je voulais absolument les avoir. Il y a le Fanamanga également qui sont des grands supporters qui m'ont toujours encouragé. Donc, je tenais absolument aussi à être là. Il y a également Librairie Première Issue. Alors, pour ceux de Québec, on peut mettre la main en librairie ou au Comic-Con. Pour ceux qui sont hors de Québec, ben le plus simple, c'est d'aller sur Facebook, chercher SBR et de t'écrire pour s'entendre sur accès à ces albums-là. Alors, ben en attendant le quatrième tome, on retente l'expérience du sociofinancement pour le quatrième? Assurément. Puis, idéalement, ce serait quelque chose que j'aimerais pouvoir faire à chaque album, dépendant de la disponibilité, de l'appréciation des gens. Mais c'est quelque chose que je veux tenter le plus souvent possible pour continuer d'avoir une certaine approche, une certaine proximité avec les gens. J'ai vraiment aimé la première expérience, puis ça a vraiment eu un lot de défis que j'imaginais absolument pas devoir surmonter en si peu de temps. Et la réponse du public a été telle que je m'en voudrais de pas essayer encore au moins une deuxième fois. Alors, ben, on suivra tout ça, évidemment, avec une vive attention dans l'horizon temporel qui viendra, évidemment. Mais d'ici là, donc, on a le tome 3 sur lequel mettre la main. Alors, ben, SB, merci. Merci à vous. Et à la prochaine. À la prochaine. Alors, je rappelle, donc, on jasait avec SB, qui est l'auteur, donc, de ce Bouddha brisé, chapitre 3, donc, album auto-édité. Nous, on s'en va en musique. La formation qui nous accompagne cette semaine, c'est Captain Groovitron. Et on écoute un petit extrait qui s'appelle « The Ghost in the Machine ». Toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier est toujours avec vous jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez suivre La Vie en BD sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. On est d'ailleurs en plein Redubber dans la suite de l'entrevue qu'on a fait la semaine dernière. Alors, on a un choix de lecture par jour ces temps-ci. Alors, c'est un bon moment pour commencer à nous suivre si vous n'y êtes pas déjà. Alors, cela étant dit, on plonge dans un autre album et je trouve intéressant parce qu'on parlait d'anxiété avec le premier album dont on traitait aujourd'hui. On va rester un peu dans cette thématique-là avec le deuxième album. Donc, ça s'appelle La Rose du Ciel. C'est offert aux éditions Michel Quintin. Premier titre de l'auteur JP Perrault qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, ben, JP, première chose, La Rose du Ciel, c'est évidemment, c'est pas un univers qui arrive de nulle part. C'est un univers que des lecteurs connaissent peut-être déjà en lien avec le recueil Le Front 7, en lien avec des épisodes que tu as offert dans Planche également. Alors, comment c'est un peu passé l'évolution, dans le fond, d'épisodes courts vers un récit long que tu proposes maintenant aux éditions Michel Quintin? Alors, comment ça s'est passé, en fait? Ben, c'est qu'initialement, ben, je faisais mes petites histoires courtes, justement, dans Le Front, dans la revue Planche. Puis, il y a 5 ans environ, je suis tombé en dépression assez gravement. Je suis passé pas loin de me faire à mes jours, en fait. Et en sortant de ça, j'ai découvert que, en fait, en suivant un traitement médical et des séances de thérapie de groupe, j'ai découvert que j'étais une personne qui souffrait d'anxiété. Et c'était important pour moi, en sortant de ça, de faire quelque chose là-dessus. Mais j'avais pas envie de faire comme 6000 auteurs qui font un livre sur leur dépression. J'avais envie de faire quelque chose qui était plus qui rejoignait plus de gens puis qui avait un regard peut-être plus positif là-dessus. Donc c'est pour ça que vu que j'avais l'intention de poursuivre avec La Rose du Ciel, parce que j'aime beaucoup ça, c'est vraiment un univers qui me fait beaucoup triper. Ben, je vais essayer d'insérer d'anxiété justement dans la thématique des origines de La Rose du Ciel. Oui, puis même au-delà des origines, en fait, j'avais presque l'impression que, oui, il y a une méchante dans le récit, mais qu'au bout du compte, le véritable ennemi, si on peut dire, de ton personnage, de ton héroïne, Maria Richard, c'est l'anxiété, justement, qui vient l'arponner à des moments où elle n'arrive pas, justement, à se faire véritablement confiance, là. Oui, exactement. Et justement, parle-moi un peu de La Rose du Ciel. Donc, tu disais, c'est une héroïne que tu traînes depuis quand même déjà un certain temps. Qu'est-ce qui t'avait amené à la créer au départ? C'était un peu dans un esprit pour un trip un peu années 50, hommage aux pulpes ou quelque chose du genre? Oui, en fait, c'est parti à la base. Quand j'avais fait ma soumission pour Le Front 7, j'avais lu un album de Mortimer, de Blake et Mortimer, donc Le Secret de l'Espadon. Et je trouve ça très drôle que l'album commence et en l'espace de quelque chose comme 3 cases, on établit la Troisième Guerre mondiale. Puis je me suis dit, je vais essayer de faire un peu un type comme ça. Puis de fil en aiguille, j'ai inséré beaucoup de choses en fait qui me font beaucoup triper, comme justement le pulp, le super-héros, l'aventure. Puis de fil en aiguille, je suis arrivé justement à ce personnage-là. Et dans le fond, on arrive au personnage, on choisit un peu de l'insérer d'abord justement dans les histoires courtes qui définissent son côté héroïque. J'imagine que le fait d'aller aux origines, d'insérer aussi beaucoup de toi-même à travers l'anxiété, ça donne des dimensions puis des possibilités d'exploration additionnelles autour du personnage. Oui, parce que le défi avec les histoires courtes, c'était toujours de comment on fait pour faire une histoire d'aventure qui a un début, un milieu, fin, en l'espace de très peu de pages. Fait que forcément, j'avais pas vraiment l'occasion de développer énormément sa personnalité. Fait que c'était clair qu'avec l'album, je voulais beaucoup me concentrer sur le personnage comme tel, pour lui donner une autre dimension. En fait. Oui, puis en fait, à la limite aussi, t'en fais un peu une icône féministe, presque. Oui, entre autres, c'est sûr que son combat est effectivement se relie beaucoup au combat des femmes de cette époque-là. Oui, puis ça ajoute, dans le fond, on parlait d'arche d'éléments. Donc, d'un côté, il y a elle-même qui lutte contre elle-même à travers l'anxiété. L'autre côté, il y a les codes sociaux. Il y a ce qui est acceptable ou pas acceptable qui vient un peu la limiter. Donc, ça fait des combats très personnels, si on peut dire, et beaucoup d'éléments auxquels on peut la confronter. Oui, exactement. Puis, elle se confronte avec elle-même. Puis, en même temps, c'est quelque chose qui était très... très présent à l'époque, puis peut-être même encore aujourd'hui jusqu'à un certain point, cette espèce de ressentiment-là qui est très très québécois, là, qu'on se croit pas en nous-mêmes, on est né pour un petit pain en quelque sorte, là, donc c'est beaucoup à ça que je veux relier, tu sais, c'est autant... C'est pas moi qui l'a dit, par contre, j'ai entendu ça quelque part, qu'elle représente autant le combat des femmes de l'époque que le combat de tous les Canadiens français, en fait. Oui, l'idée, en fait, de chercher un peu l'égalité d'échange, de chercher des opportunités qu'on veut pas nous livrer et de réussir à travers l'adversité, justement, à prendre sa place, à s'imposer. Et on revient un peu à cette idée d'aller vers un message très positif, dans le fond, de l'avoir, justement, surmonté ces éléments-là et réussir à surmonter les limites sociales, à surmonter ses propres limites aussi pour s'accomplir véritablement. Oui, exactement. Et dans ce contexte-là, est-ce que je gère, si je dirais que il y a des dilemmes moraux quand même intenses pour ton personnage. Donc, on la met face à un vilain qui est plus, je dirais pas un archétype, mais on va chercher justement les nazis, on va chercher un vilain qui est vraiment moins en nuance de gris d'une certaine manière, pour laisser plus de place au dilemme psychologique, puis après ça, l'insérer dans l'action dans ce contexte où on est plus un bon méchant, justement dans l'esprit très années 50, là. Oui, la baronne noire, la méchante, c'est ça, c'est vraiment l'étincelle qui fait un peu tout enclencher, même si on est centré plus sur le personnage, c'est un peu le décor, en fait, qui amène tout ça, c'est le catalyseur. Et comment s'est développé un peu justement ces éléments-là? Parce que, bon, tu disais, on part de récit court, on va vers un récit long, donc comment t'as organisé un peu ton travail pour aller, j'imagine, prendre cet univers-là, puis réussir à bien le développer, à bien développer les multiples facettes que tu voulais mettre de l'avant? J'ai surtout pris, en fait, ce qui était déjà là, c'est-à-dire l'histoire du Québec, et en même temps, ce que j'avais déjà établi dans les histoires courtes autour de Maria. C'est moi vraiment, j'étais vraiment plus dans l'idée de faire une continuation de ça. Donc, je me sers du contexte de l'époque, quand on crée un personnage, au partir du moment qu'il commence à faire des actions et à dire des choses, on peut assumer certaines choses, donc extrapoler dans un certain sens. Mm-hmm. Puis là, dans le fond, comme tu remplis un peu des zones de gris, ben tranquillement, tu transformes l'extrapolation en fait avéré là, pour ton personnage. Exactement. Et en termes d'ordre, dans le fond, c'est de se dire, ben, ce qu'on a lu dans Planche, il arrive après, justement, ce premier tome-là, où elle devient l'héroïne qu'elle va être par la suite dans les histoires courtes. Oui, ben en fait, si on est très technique sur la continuité, même si c'est pas super important à mon avis, là, c'est l'album se passe avant les histoires courtes. Dans tous les cas, on n'a pas besoin de lire un ordre en particulier, je pense. Non, exactement. En fait, ça fonctionne très bien en soi-même, d'ailleurs. Et dans le fond, par la suite, donc on établit un peu le personnage. Est-ce que la baronne est arrivée rapidement comme antagoniste pour justement amener l'étincelle du récit, ou est-ce que c'est plus les éléments relatifs au personnage, que tu disais que l'anxiété est arrivée en premier, au premier abord, pour la traiter? Donc ensuite, on ajoute un peu les autres couches, ou... En fait, c'est que la baronne, c'est un personnage que je voulais réutiliser beaucoup. J'ai pas beaucoup d'espace pour le faire dans les histoires courtes, à part la toute première histoire qui était plus dans le front. Et la baronne, en plus, c'est un peu le revers de la médaille. C'est un peu l'inverse de Maria, en fait. Parce que Maria, elle veut devenir pilote comme son père, et tandis que la baronne, elle veut poursuivre le rêve de Hitler. Donc, tous les deux, elle poursuivre le rêve d'un autre homme. C'est juste que c'est dans des voies et des aspirations complètement opposées, forcément, là. Mm-hmm. Puis après ça, éventuellement, de réussir à prendre ce rêve-là, qui est le rêve de quelqu'un d'autre, puis en faire le sien, à se l'approprier, puis à le transcender, dans le fond, pour ton héroïne, à tout le moins. Exactement. Pour moi, pour Maria, effectivement, ce sera le cas. La baronne, elle aura un autre sort, forcément. Et à travers tout ça, donc, évidemment, le fait de choisir un peu l'a priori années 50, j'imagine que ça vient aussi beaucoup influencer le style, l'approche. Quand on compare un peu, d'ailleurs, même les planches que tu livrais pour la Rose du Ciel dans Planche, autant que dans Michel Quintin, qu'on va voir un peu, qu'on compare par exemple à Fearless Man, puis à d'autres éléments que tu faisais au départ, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse évolution, un gros travail justement pour ton trait, pour aller chercher ce style semi-réaliste années 50 un peu. Oui, entre Fearless Man, ça serait bien que vous le mentionniez. Il est pas souvent mentionné. Entre Fearless Man et ce projet-là, j'ai été très influencé, notamment par l'artiste Darwin Cook. J'ai développé beaucoup mon dessin durant cette période-là, et je voulais vraiment aller dans cette optique-là. C'est un style que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup trippé notamment sur la série animée de Batman des années 90, où tout le travail de Bruce Timm, tout ce style-là très qui découle en fait de Jack Kirby, là, ça me fait vraiment triper. Donc ça me fait c'est toute une fierté que j'ai réussi à être capable de me rendre dans mon avis. Oui, puis ça sort vraiment bien aussi, de façon générale. En fait, le trait est clair. On a l'impression, en fait, il y a un côté rétro, mais en même temps avec des éléments de mise en scène qui sont actuels aussi. Donc on sent que c'est du rétro actuel, si on peut dire, avec de la couleur qui fait ressortir un peu tout ça aussi. C'est d'en arriver, j'imagine, à la bonne chimie, là, justement, pour que les planches fonctionnent. Oui, c'est important pour moi parce que j'aime pas j'aime bien faire des pastiches en général, mais je veux pas non plus coller complètement sur des vieux styles narratifs qui sont peut-être un qui ont des qualités, mais qui sont peut-être un peu datées, forcément. Oui, enfin, à la limite, j'avais plus l'impression, d'un point de vue narratif, que ce que vous alliez chercher dans le pub de l'année 50, c'était aussi le grand sentiment d'optimisme, dans le fond, qui ressort de cet album-là. Et c'est intéressant qu'on le mentionnait au départ, que c'est un peu l'objectif, justement, d'amener la thématique, mais dans quelque chose de positif, de joyeux, parce que c'est vraiment ce qui ressort de La Rose du Ciel, je trouve. Ah ben merci que vous l'ayez noté, là. C'était vraiment dans l'optique, tout comme je mentionnais Darwin Cook, The New Frontier, c'était un peu ça aussi, là. Puis le parallèle aussi, l'espèce d'allégorie super-héros et l'histoire de l'Amérique, ça se reflète un peu ici, mais dans le cas-ci, c'est le super-héros et l'histoire du Québec, là, forcément. Là. Et au niveau de La Rose du Ciel, donc maintenant qu'on en est arrivé à ce premier long shot, si on peut dire, est-ce que c'est, j'imagine qu'on veut continuer à faire évoluer ce personnage-là, à explorer cet univers-là, ou t'as envie pour un prochain projet d'aller complètement ailleurs, ou? Alors, pour l'instant, c'est sûr que j'aimerais beaucoup faire d'autres projets aussi, là, mais pour l'instant, mon énergie va principalement sur La Rose du Ciel. Il y a une histoire courte qui va probablement paraître dans le prochain planche. Ensuite, je suis en train de monter un projet pour un deuxième album de La Rose du Ciel. C'est sûr que forcément, c'est pour moi que le dernier mot, c'est savoir si ça va se faire ou pas, là. C'est des acteurs et des auditeurs, forcément. Là. Oui, puis en fait, je pense qu'aussi autour du lancement, j'avais vu que la gang de la librairie Z avait monté un espèce de balado-diffusion aussi autour de l'univers de La Rose du Ciel. Oui, effectivement, on a monté un radio-roman, comme ça s'en faisait à l'époque, de 3 épisodes, qui sont d'ailleurs disponibles sur le site de la librairie, YouTube, Google Play et iTunes. C'est tout à fait gratuit, ça peut donner une très bonne idée de qu'est-ce que c'est de La Rose du Ciel, en fait. Oui, en fait, de plonger, de saisir l'ambiance, de capter un peu l'esprit de tout ça, puis après ça, d'aller vers l'album, ou de lire l'album, puis après ça, de tomber là-dedans. Donc, t'es déjà rendu un peu multimédia, là, dans l'univers de La Rose du Ciel. Oui, exactement. C'est ça qui prend le fun, je trouve, en fait. C'est que c'est une idée qui m'est arrivée sur un coup de tête, puis j'ai été très chanceux que les gens de la librairie Z aient eu l'intérêt et l'énergie et les ressources à mettre là-dedans. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est très bien avec l'univers, puis en plus, ça n'a jamais été fait dans le cadre de la promotion d'un album. Et dans tout ça, ça nous ramène aussi au fait que c'est un univers et un personnage que tu tiens avec toi depuis longtemps. Donc, j'imagine qu'au niveau, par exemple, du trait, du dessin, de l'approche visuelle, donc on parlait d'entraînement tantôt, d'habitude, mais d'un autre côté, c'est un personnage que tu maîtrises aussi, j'imagine, que tu connais très bien, là. Jusqu'à un certain point, oui, c'est sûr que j'essaie de corriger certaines choses. Je considère pas mon dessin comme vraiment parfait, là. Fait que j'essaie toujours de trouver un peu c'est quoi les lacunes, autant que dans l'album qui vient de sortir, puis d'essayer de faire mieux pour les prochaines fois, là. C'est sûr. À ce point-ci, pour ce qui est de l'écriture, ensuite, je sais qu'est-ce que La Rose du Ciel va faire dans telle situation, qu'est-ce qu'elle ne fera pas dans telle autre situation, là. Il y a des mécanismes qui se passent, comme je disais, les personnages prennent vie en quelque sorte. Oui, puis les réflexes, j'imagine, aussi au niveau des traits, au niveau du visage et le reste, on finit par réussir à le dessiner peut-être plus instinctivement. Oui, quand même. Ça fait quand même plusieurs fois que je dessine son casque, son masque et son jetpack, là. Ah ben, on invite les gens donc à plonger dans cet univers-là par les différentes portes dont on a parlé. JP Perrault, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Alors, je rappelle donc que JP Perrault était de passage pour nous jaser de La Rose du Ciel. Donc, un album qui vient d'être publié du côté des éditions Michel Quintin. Et on le disait, dans le fond, on replonge un peu dans l'esprit années 50. Allez jeter un coup d'œil au podcast si vous voulez voir un peu comment ça s'exprime verbalement. Mais l'album vaut également le détour. Donc, jetez un coup d'œil. Gênez-vous pas. Je ne crois pas que vous regretterez la chose. On repart en musique, toujours ici sur les ondes du 89.1. Et on est dans déjà la dernière ligne droite de l'émission La vie en BD. Et pour faire ces dernières lignes avec nous, on est en compagnie de Michel Giguère. Bonjour. Bonsoir, M. Poirier. Alors, Michel, en fait, on est là, évidemment, pour jaser des rendez-vous de la BD. Et comme à chaque année, ton rendez-vous de la BD d'octobre s'inscrit dans la thématique du Festival littéraire Québec en toutes lettres. Cette année, leur thème, c'est la splendeur du vertige. En fait, le rendez-vous de la BD est essentiellement l'unique activité liée au 9e art, d'ailleurs, dans ce festival-là. Dans le fond, qu'est-ce que t'as inspiré, peut-être, un peu ce thème-là, ce titre-là, la splendeur du vertige? Ben, c'est un beau titre, plein de poésie, mais un peu flou. Et au départ, il y a 6 mois, quand je préparais la programmation, il était plutôt question de souligner, c'est toujours le cas aussi, le 70e anniversaire de Refus Global. Sauf que le titre, La splendeur du vertige, je trouve, fait un petit peu écran. Ça permet pas vraiment de deviner que le thème, c'est la liberté d'expression. Moi, c'est là-dessus que je suis parti. Alors, ton activité à toi s'appelle Les Insoumis, Insoumises, Résistance et Liberté d'expression, qui est un vaste programme en tant que tel, d'ailleurs. Oui, comme d'habitude, je me suis efforcé de resserrer le sujet parce que il y a toujours trop de BD. Et d'emblée, j'ai écarté la fiction pour me concentrer sur les biographies de personnages qui ont vraiment existé. Et je dis me concentrer, mais ça ratisse quand même pas mal large. Alors, je te demanderais peut-être de nous donner un aperçu de l'étendue du champ que tu vas couvrir. Ouais, je veux pas révéler trop de noms pour pas gâcher le suspense, là, mais ça va de Vercingétorix au Fémens, tu vois. Alors, rien qu'en nommant ces deux extrêmes-là, ça dit qu'il va y avoir une partie sur des peuples envahis par d'autres, sur des populations qui se révoltent contre leurs propres dirigeants, que ce soit des dictateurs ou des gouvernements élus, d'ailleurs. Il y a une autre partie sur des groupes sociaux. Il va y avoir évidemment beaucoup d'individus, des gens avant-gardistes ou trop indépendants pour suivre la masse, pour respecter les usages en place. Alors, il y a certaines et certains de ces chefs de file-là ou de ces individus-là qui ont changé le cours des choses. D'autres qui ont rien bouleversé de leur vivant ou à leur époque, mais qui ont connu un retentissement, un écho longtemps après. Je pense à Thoreau, dont la philosophie était portée par le mouvement de simplicité volontaire de Serge Mongeau et compagnie, et puis qui, depuis peu, fait aussi l'objet d'un regain d'intérêt à cause du disque concept de Richard Séguin qu'il vient de sortir, Retour à Walden. Et dans tous ces gens-là, j'imagine qu'il y en a une bonne proportion qui ont payé cher leur insoumission. Ouais, plusieurs ont carrément payé de leur vie. D'autres, non, mais ils ont payé de manière quand même assez sévère ou cruelle. Je pense au boxeur Mohamed Ali qui a été interdit de boxer pendant 4 ans parce qu'il a refusé d'aller combattre au Vietnam alors qu'il était au sommet de sa discipline. Puis parlant de Ali, de lui, ça me fait penser à un aspect incontournable, c'est que les rebelles qui ont été fauchés, c'est pas seulement des cas comme Anna Politkovskaya en Russie ou Massoud en Afghanistan ou un tel qui a combattu contre un régime autoritaire. Là. Ça commence ici, au Canada, avec Louis Riel et surtout aux États-Unis avec les Premières Nations ou encore le mouvement des droits civiques pour les Noirs, sans parler des dictatures qui ont été soutenues activement par l'oncle Sam. Donc, en fait, des sujets dramatiques, des sujets sombres, peut-être, dans certains cas, qui ne seront pas non plus l'unique angle par lequel tu aborderas ta thématique. Là. Non, il y en a, entre autres, qui mettent en exemple des exemples d'émancipation, de dépassement de soi ou d'exploration dans tous les sens du terme. Mais je te dirais que même quand la fin est tragique, ça reste des histoires stimulantes qui nous fouettent, qui nous énergisent. Quoi qu'il en soit, je voudrais ouvrir ici une parenthèse à propos du côté positif ou négatif là, du thème. C'est que après que j'ai publié mon événement Facebook, j'ai ajouté en guise d'appât, ouvrez les guillemets, Che Guevara, Simone de Beauvoir, Martin Luther King, Josephine Baker, Ahmed Shah Massoud et tant d'autres. Petite liste d'exemples comme ça en passant. Après quoi, j'ai reçu le commentaire suivant. Ouvrez les guillemets. Che Guevara était un assassin de masse. Désolant qu'il soit inclus dans cette liste. Bon. Moi, j'ai répliqué ceci. Le printemps passé, j'ai reçu un commentaire du même genre sur Nietzsche. Il faut bien comprendre que dans mes rencontres, je présente des BD, en l'occurrence des BD biographiques, pour leur qualité et non en fonction du degré de vertu du sujet de la biographie. Je ne consacre pas la soirée de mercredi prochain aux saints, mais aux insoumis. D'aucuns se sont rebellés dans le sang, et sans qu'on doive se complaire dans la violence en tant que lecteur, leur histoire demeure intéressante. D'ailleurs, une courte partie de ma présentation lancera une réflexion sur ce qui advient quand les insurgés prennent le pouvoir et se retrouvent de l'autre côté. Avouez que ce serait triste et regrettable de pousser la rectitude politique et morale jusqu'à la censure, jusqu'à biffer les personnalités qui ont commis des gestes répréhensibles. Alors, fermez les guillemets et la parenthèse. Et si je saute un peu dans un élément que tu mentionnais tantôt, on se limite aussi un peu aux biographies. On peut le faire parce qu'il y en a énormément qui se publient au fil des dernières années. Tellement que je peux, des fois, me prêter à l'exercice de comparer deux versions différentes de la vie d'une même personne. Exemple, Alexandra David-Néel, je parlais d'explorateur et d'exploratrice tantôt, c'en est une. Jeanne d'Arc. Ben, ils ont chacune deux biographies, alors que Che Guevara et Geronimo, eux autres, ils en ont même trois que je me suis amusé à lire en parallèle puis vraiment à comparer. Là. Et j'imagine que dans ces cas-là, on peut identifier des différences en deux ou trois versions des faits, mais il faut, dans une certaine mesure, réussir à bien saisir le sujet au préalable pour juger de la rigueur d'une biographie qui nous est proposée. Ça, c'est pas évident. Et même, ça devient un petit peu tannant quand, au fil de notre lecture, on passe notre temps à se demander si chaque épisode est véridique ou exagéré, romancé. Et puis d'ailleurs, c'est pareil pour les biographies qui sont sous forme d'ouvrages documentaires ou de films documentaires. Alors, le mieux, en tant que lecteur, c'est peut-être de lâcher prise puis de se laisser porter par l'histoire qui nous est racontée. Il y a des BD qui se posent en biographie comme telle. Il y en a aussi qui nous propose plutôt des portraits qui se veulent pas nécessairement objectifs, qui réclament une part de subjectivité, de légende, de mythe. Mais il y a par ailleurs aussi une portion des albums là, que j'ai lus ces dernières semaines qui sont vraiment présentés de façon rigoureuse, qui sont enrichis, entre autres, de suppléments à caractère documentaire avec chronologie, photos et ou des notes. Par exemple, la brique sur Joséphine Baker chez Casterman dans la collection Écriture, elle compte 455 pages de BD et un peu plus de 100 pages de suppléments. Chaque personnage secondaire fait l'objet d'une notice biographique de 2-3 pages. Ah bon, on n'est pas obligé de lire tout ça pour apprécier la BD, là, mais en fait, de publication, c'est vraiment le fruit d'une démarche drôlement impressionnante et intéressante. Et Michel aussi, le titre de ta présentation s'accorde au masculin et au féminin. Ça laisse deviner qu'il va être question de femmes insoumises et dans une bonne proportion aussi. Ben oui, tu vois, quand on dresse un résumé de l'histoire du monde, ben, l'histoire officielle se tisse des réalisations ou des méfaits, hein, des puissants, des gagnants. De leur côté, les minorités, je dirais les minorisés, les perdants, les marginaux, les petits, sont réduits au silence et puis à l'oubli. Ça, c'est dans l'histoire officielle. On peut choisir un angle différent. Il y a un courant qui s'est développé à la fin du 20e siècle qui revisitait la grande histoire à travers la lorgnette du peuple. Ça nous a donné l'histoire populaire de ci et de cela, et c'était vraiment un courant louable. Ce mois-ci, Québec en toutes lettres et les rendez-vous de la BD se penchent sur les dissidents, les réfractaires, ceux qui ont dit non ou qui ont défoncé des portes. Eh bien, ça procure une toute autre perspective pour appréhender l'histoire de l'humanité. On se tient à ce moment-là du côté des quantités négligeables. On voit l'histoire officieuse. Et tout d'un coup, les personnages, les vedettes, sont plus les mêmes. Si bien que mercredi prochain, les opprimés auront voix au chapitre. Et oui, conséquemment, il y aura beaucoup de portraits de femmes formidables qui ont fait tomber des barrières. D'ailleurs, les insoumis se repêchent dans les groupes sociaux, les groupes ethniques ou autres, qu'on a voulu soumettre, d'où leur insoumission. Et encore une fois, Michel, en conclusion, là, tu proposes un thème qui déborde évidemment du seul cadre de la bande dessinée. On parle pas de la BD pour la BD, on est dans un contexte où la BD est pas le sujet, mais est le support, dans le fond. Oui, tu l'as très bien dit. J'installe souvent des manières de passerelles qui mènent ailleurs, hein, généralement vers mes champs d'intérêt qui sont, bon, les gens qui viennent régulièrement le savent, là, l'histoire, le cinéma, littérature, chanson. Il a été question dernièrement de quelque chose qui n'était pas dans mes intérêts habituels, sciences et informatique, en mai dernier, parce que j'ai reçu Mathieu Burnia. Et quand je l'ai invité, ben, ça m'a comme sorti de ma zone de confort. Et chaque lecture, et en plus l'entretien lui-même, ont fait en sorte que je me suis couché moins niaiseux. Et ça, j'adore ça. Mais autrement, quand j'anime seul, ben j'ai la tendance bien naturelle à pencher vers des sujets qui m'interpellent dès le départ. Et puis, j'adore aussi parler de la dimension technique de la BD, de son langage. Je le fais de ses tendances éditoriales aussi. Je le fais régulièrement à chaque saison. Mais tout aussi régulièrement, et ce mois-ci, entre autres, j'invite les gens, si tu veux, à passer la tête par la fenêtre du 9e art pour regarder autre chose à travers lui. Et je manque pas de matériel pour faire ça parce que la bande dessinée elle-même s'ouvre sans cesse davantage à tous les sujets et à tous les genres. En fait, les passerelles, je les installe pas. J'invite simplement les gens à les traverser avec moi. Mais c'est l'évolution de la BD des dernières décennies qui construit tous ces liens vers d'autres disciplines artistiques, d'autres disciplines intellectuelles, d'autres réalités vers le monde entier. Là. Alors ben, enfin, une belle invitation que tu nous lances. Et je rappelle, en fait, c'est mercredi prochain, 19h, à la bibliothèque Gabriel Leroy. L'entrée est libre et gratuite. On se présente, on écoute et on plonge justement dans ces univers-là et dans ces questions-là en ta compagnie. Alors ben, l'invitation est lancée. Michel Giguère, à mercredi et à très bientôt, au mois prochain. Merci beaucoup, Raymond. Je serai là. Salut bien. Salut. Alors voilà, nous, c'est ce qui conclut cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, on aura l'occasion de jaser avec Maryse Dubuc autour du prochain tome des Nombris. Il y aura également l'illustratrice Marianne Ferrer qui sera avec nous. Alors ce sera le programme de la semaine prochaine. D'ici là, ben, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.